Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour ce nouveau numéro du mag. Cette semaine, après une semaine d'interruption, on est de retour pour vous faire le tour d'horizon de l'actu télé, ciné en ce qui concerne les adaptations de comics. On vous parlera bien sûr des news concernant les comics VF et VO et puis on vous parlera de deux comics de la semaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le mag. Cette semaine avec moi, il y avait beaucoup de monde par rapport au Mac précédent. Arnaud, Salut. Clément Salut. Et Irish. Salut. De là à dire que les quatre fantastiques sont de nouveau réunis. Il n'y a qu'un pas. Ça nous fera un petit clin d'œil pour les Razzies, on n'en parlera pas dans l'émission, mais voilà. Allez, on commence comme de coutume avec la télé. Et Irish, tu vas nous parler pour commencer de Legends of Tomorrow. Oui, donc le pilote qui a été dévoilé cette semaine, je pense qu'on en parlera un petit peu sur nos écrans jeudi prochain. Et donc déjà, on parle de déjà certains featuring avec certains personnages de l'univers DC. Et ici, il s'agit de Jonah Hex, qui est un peu la caution western de l'univers DC, qui devra apparaître dans un épisode de Legend of Tomorrow, à savoir l'épisode 11. C'est ça, donc vers la fin de saison. Et ce qu'on a appris cette semaine, c'est que enfin, ou même aujourd'hui, dimanche, c'est que l'épisode est entré en tournage, ça y est, donc ils ont Ah. beaucoup d'avance. Oui, mais bon, après, il faut voir comment tout ça va se monter avec Vandal Savage, comment ils vont réussir à tourner une histoire autour de ça. Toute façon, ils vont voyager dans le temps, donc ils vont Oui. sortir. Ils retournent à l'époque du western, et voilà. Et qui dit western dit Jonah Hex dans l'univers d'ici, donc C'est bah ça. voilà. Sera-t-il meilleur après dans le film? C'est pas trop dur, ouais, quand même. En principe, ça devrait pas être trop difficile. Ouais, voilà. Bon, à suivre pour la série, évidemment, on en parlera jeudi pour la première partie du pilote, hein, parce que je rappelle, c'est la première moitié du pilote qu'on a vu, hein, la deuxième partie est mardi et jeudi prochain. Et on fera le débrief donc, du pilote complet dans une semaine. Allez, je vais vous parler de Gotham maintenant. Deux news sur Gotham. Ouais. Alors, on a une bonne et une pas très bonne, on va dire. Une Non, bonne. c'est deux mauvaises nouvelles. Une bonne pour la série, c'est que elle arrive en France en prime time sur TMC à partir du mercredi 3 février. TF1, on veut pas. Donc TMC, TMC, c'est le groupe TF1 qui avait donc acheté Gotham, on le savait. Donc la chaîne n'en veut a priori pas pour sa cible ils et ont dû se remet ça rendre sur compte. TMC. Ah merde, c'est mauvais, on peut pas diffuser ça. Mais ils ont quand même diffusé Arrow saison 3. Donc pour Ouais. eux, Gotham est pire. Ouais, mais t'avais quand même avant la saison Ouais, 1 et tout voilà. ça. Et Arrow sur TF1, c'est assez fan quand même. Hein. Suffit juste de voir sur Après, Twitter TF1 les. diffuse bien Gotham en OS plus 24 hein, sur ses plateformes. Oui, Hein, aussi. Oui, mais oui. ça n'a rien à voir. C'est de la Donc du VOD coup, sur Internet. moi je trouve que c'est plutôt une bonne stratégie que de la mettre sur TMC. Oui. Ben, je la. Ouais. Ça TMC marchera mieux. qui est une chaîne où il y a beaucoup de séries un peu dans la veine polar et compagnie, donc C'est pas pourquoi faux. pas? Pourquoi Ouais. pas? Entre deux rediffusions de Julie Lescaut. Et les flics d'autoroute allemand là. Oh, Julie Lescaut, c'est passé sur NT1 et compagnie, maintenant c'est plus bas encore. Ah bon? Ah bah oui. Alors c'est en Navarro, non? Alerte Cobra. Bon allez, on va pas faire toutes les séries TF1. Voilà, et puis on va rester donc sur Gotham. Alors, c'est pas une annonce, hein, c'est juste une porte ouverte qui est laissée par la Fox qui s'est déclarée non fermée à un spin-off pour la série. Mon Dieu, C'est quelle terrible, horreur. tu te poses la Sur question sur quoi, sur qui? qui, Ah sur bah quoi? sur quoi voilà, on n'en sait rien, mais Sur si. l'accouchement de Martha Wayne Voilà, il y a 15 ans. ouais. 12, pardon. Si quelqu'un proposait un spin-off à la série, voilà, la série ne le rejetterait pas, en tout cas d'emblée. Et... Un spin-off sur le Joker. Peut-être. Je veux avoir un truc sur les parents de Bruce Wayne, parce que ça, c'est un truc qui n'a jamais été fait hein, au final. Ouais, ou sur Fish Mooney. Ah Oh, non, non, pitié. ah finesse sur pingouin. Mais j'ai quand même, je me sens un peu mal parce que c'est pas bien de parler dans le dos des gens. Léo est pas là, donc. Ouais, non, mais Justement, j'en pense. Léo n'est jamais là pour le mag, alors si on doit Les l'attendre. absents, toujours ça. Allez, on va laisser Gotham de côté, on va rester toujours dans l'univers DC, on va Trois passer à médiocres. Supergirl, et c'est pour toi, Arnaud. Toujours dans les rumeurs. C'est le nouveau président de CBS qui a annoncé, contrairement à l'ancienne, que cet été, Nina Tesler avait dit que non, il n'y aurait jamais de crossover entre Supergirl et série de la CW. Et maintenant qu'elle est partie, le nouveau président, Glenn Geller, n'a pas affirmé qu'un crossover était en préparation, mais il a dit, littéralement, il a dit, je dois faire attention à ce que je vais dire là. Attendez de voir et regardez les séries et vous verrez. Voilà. Donc, il n'avait pas Voilà. dit non, mais en même temps, il n'a pas confirmé un C'est crossover. ça. Donc est-ce que quelque chose est vraiment sur les Oh. bah moi je trouve dans les rails? je trouve ça un peu évident pour moi. Les deux séries ont un univers tellement proche que. Oui, non, mais c'est le même univers, c'est plutôt la même Voilà. atmosphère. Après, c'est vrai que c'est assez rare entre deux chaînes comme ça Ouais. d'avoir Oui, des crossovers. mais ce serait facile parce que c'est d'une des Ouais. mêmes producteurs, Greg Berlanti, et la Voilà, CW appartient à Berlanti. CBS. Oui, certes. En plus, Warner produit et la CW appartient à moitié à Warner, à moitié à CBS. Donc c'est tout à fait possible. On verra bien, de toute façon, a priori, si ça réveille les anciennes rumeurs qu'on avait eues, ce serait pour le mois de mai par avant, donc on verra. On verra. Et on quitte DC, on va passer en face, chez Marvel, et c'est toi, Eric, qui vas nous parler d'Agents of Shield. Et oui, donc super méga bonne nouvelle, c'est la saison 2, bon, de Agents of Shield qui débarque sur W9 à partir du mercredi 10 février. Je ne peux que conseiller à tout le monde de vraiment vraiment regarder cette saison. Je suis un peu déçu d'ailleurs parce que j'aurais aimé qu'elle soit sur M6, mais on a à peu près Ça aurait jamais marché. Non, c'est pas possible. le même Ça aurait jamais problème que. marché et ça fait de très très bons scores sur W9. Et en plus, elle va être face à Gotham. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Gotham aura démarré une semaine avant sur TMC, mais c'est bien le mercredi soir aussi, donc à la même heure. A priori, on aura un affrontement entre Agents of Shield et Gotham. Je doute que ce soit une excellente stratégie pour les deux chaînes de se mettre l'une en face Ouais, de l'autre. je pense pas. Ouais, mais bon, c'est Mais. vrai que Agents of Shield, ça pâtit énormément, énormément de sa première saison, du Bah, début de saison elle a ratée. très bien marché Pas non. sur W9, donc là, elle a un avantage sur Gotham. Oui, mais quand Ouais. tu regardes des séries comme Arrow ou Flash qui sont plutôt bien populaires en France, Agents of Shield, elle avait le potentiel. C'est juste, je trouve vraiment le Bah, elle début. a bien fonctionné. Hein. Elle a bien Bah, après fonctionné. autant. Si tu... La preuve qu'elles sont pas si populaires que ça, Flash et Arrow, une Bah fois oui. qu'Arrow a été terminé sur TF1, Flash a dégringolé. Ah, ouais, bah je C'était sais. Arrow qui Tombe... faisait tenir Ouais, l'audience de Flash. si c'était En même aussi temps, il bien aurait pop. peut-être fallu mettre Flash à un bon horaire aussi. Enfin Ouais, bref. Bah oui, c'est mais ça. C'est autre non, chose. puis pour juste faire le truc, et puis si Flash et Arrow étaient aussi populaires, ils mettraient pas la série en deuxième partie soirée. Bah, Voilà. Arrow était en prime. Ouais, Arrow était en Ah prime oui, et c'est Flash en prime. passait juste après. Donc Ouais. l'inverse de ce qu'il aurait Ouais. fallu faire, à mon sens, mais bon, après, c'est pas. Oui, Oui, en fait. c'est. Mais bon, mais en tout cas, j'espère vraiment que cette saison va vraiment rassembler un peu plus de gens. Bah, il y avait déjà un bon public présent sur W9 qui était souvent en tête sur les chaînes TNT et tout sur ces jours-là. Donc, a C'était très priori, il y a bon peu de chances que ça sur marche TNT. pas après avoir avec l'affrontement face à Gotham. Gotham. Mais Ouais, je je pense que crois c'est pas. plus Gotham qui risque Qui va en d'être. pâtir. Bah Oui, qui reste en qui va partie. en Déjà que pâtir. Gotham, c'est Bah, assez Agents of mauvais. Shield, voilà, je ne sais plus combien c'était en moyenne la saison dernière, mais c'était plutôt pour la TNT, c'était d'excellentes audiences. Et il y a une base solide, donc puis Ah là oui. encore plus avec la saison 2 qui Moi, je arrive maintiens. un Moi, cran je. au-dessus. De toute Et façon, j'ai on un plan. verra, on aura un gros premier indice le 4 février au matin quand on aura les audiences du lancement de Gotham, et puis le 11 surtout avec le premier affrontement des deux. Donc on manquera pas d'en reparler Ouais. dans les J'aimerais dire prochaines que c'est la années. meilleure série. C'est la meilleure série lors de. Je sais plus en quelle année, l'année dernière. Pour moi, c'est la meilleure série de l'année dernière. Qui? De quoi? Agents of Shield. Ah. Ah. Ouais, mais elle n'a pas été lancée l'an dernier. Non, mais la meilleure saison, si Oui. on regarde toutes les saisons, chaque. Je sais pas, toutes les séries que tu as à un moment sur une période, celle-là, de toutes celles qui passaient à ce moment-là, pour moi, c'est la meilleure. Oui, la saison 2014-2015. Voilà, c'est ça. Oui. Allez, on va suivre tout ça de près les prochaines semaines. Il nous reste quelques séries Marvel à aborder et c'est toi Arnaud qui va t'en charger pour 3 news. Et bientôt encore plus de séries Marvel, Ouais. puisque ABC a quand même trois projets de séries Marvel. Donc Marvel's Most Wanted avec Mockingbird et Hunter. Un projet de John Ridley qui est top secret. Et le pilote de Damage Control, une comédie dans l'univers de Marvel. Et ABC a annoncé avoir une autre comédie en développement dans l'univers Marvel, sans lâcher d'informations. Donc c'est juste qu'ils développent une deuxième comédie, donc une quatrième série Marvel. Voilà. En plus des deux déjà à l'antenne. Donc bah, si après ces deux comédies, ils peuvent les mettre sur le même créneau, sur la même heure, l'une à la suite de l'autre, et voilà, ça fait une heure de comédie Marvel, bon, pourquoi pas. Après, faudrait peut-être pas risquer de faire la passe de 4 la même soirée, quoi. Ouais. Bah, ils seraient capables de nous faire les deux comédies, Agents of S.H.I.E.L.D. et Most Wanted. Ouais, bah oui. Bien sûr. Ensuite, de nous faire Agent Carter et le spin-off de John Ridley. Ah bah, ça fera une overdose, quand même. C'est bien gentil, mais... Ou la même soirée, ça va faire beaucoup, mais bon. Non, pas les deux dernières, mais quand les autres sont en pause, ils nous mettent Agent Carter et John Ridley. Et donc, à voir déjà si c'est commenté. Ouais. Mais après, il y a aussi les séries Marvel de Netflix. Eh oui. Donc, en plus de déjà, Jessica Jones a été renouvelée pour une saison 2. Mais on n'a pas de date encore. Ouais. Mais on sait déjà qu'elle a été renouvelée après deux mois de sa sortie. Et en plus de la saison 2 de Daredevil, Iron Fist, Luke Cage et les Defenders, Marvel serait en train de développer un spin-off de Daredevil centré sur le Punisher. Avant même de voir le personnage et sa réception dans la saison 2 de Daredevil. Ouais, on sait même pas encore ce que ça va donner, mais ils sont déjà assez confiants pour lancer un projet. Bah, c'est qu'ils ont déjà confiance quoi, en le personnage et puis en l'acteur. Après, ça reste une rumeur, puisque ni Marvel ni Netflix n'ont parlé de ce projet-là. Ça reste pour l'instant une grosse rumeur. Et ben voilà, pour les news télé, quelques petits trucs quand même qui sont passés durant les deux dernières semaines. On va passer tranquillement aux comics du côté de la VF. Et Clément, tu vas nous rendre compte de toutes les annonces de Panini. Et il y en a eu. Il y en a eu, oui. Il y en a pas mal. Donc, tout d'abord, pour la collection Marvel's Icons. Donc, en avril, on aura deux tomes du Captain America, de Brubaker et de Upting. Le deuxième, hein, pas deux tomes. Le deuxième tome. Ah, merde. C'est déjà pas mal. Hein. Deuxième tome, oui, ça me paraît assez bizarre. Donc, le deuxième tome. Au mois de mai, on aura un volume exceptionnel avec Spider-Man Blue, Hulk, Grey, Daredevil. Daredevil Yellow par Jeff Loeb et Tim Snyder, donc on ne présente plus. Ouais, mais que je trouve un peu con ce tome, parce que du coup on aura la série Blue de Spider-Man, la série Grey de Hulk et la série Yellow de Daredevil, la série White Captain America qui est en train d'être publiée, du coup elle sera publiée à part. Ouais, c'est un peu con. Ouais. Ils auraient pu attendre un peu et mettre les quatre ensemble. C'est les mêmes auteurs, franchement. Bon, bref, je te laisse continuer sur le dernier Marvel Icons qui a été annoncé. En juin. Donc la suite et fin des Astonishing X-Men de Joss Whedon et de John Gatlin. Voilà, les Astonishing X-Men. Donc le premier tome est sorti fin novembre, début décembre, et donc le deuxième arrivera en juin, et on aura tout le run de Whedon sur la série. Et ils nous ont annoncé des Deluxe aussi, Clément. Ouais, donc trois Deluxe annoncés pour avril. Donc Uncanny X-Force tome 2, la saga de l'Ange Noir, par Remender, Opena et Boots. Ultimate Comics Avengers avec une mini-série consacrée à Captain America. Thor, Hawkeye. Donc, je suis en train de lire le conducteur en même temps. Donc, si je lis, ça fait part excusé du peu. C'est Aaron, la news Panini, hein. Ils l'ont écrite comme ça, moi. D'accord. Aaron, donc de Aaron Hickman, Pacheco, Garnet, Sandoval. Et enfin, le déjà annoncé tome 1 de Daredevil par Brubaker est là. Un autre grand run de Daredevil. Donc on a Bendis qui ressort en Select et Brubaker qui sort en Deluxe pour mars et avril. Voilà, c'est des choses qui sont vraiment à pas rater. Et puis quelques trucs du côté des classiques, des old. Quadruple de classiques en avril. Donc en kiosque, on va retrouver des épisodes du Captain America de J.M. DeMatteis, et de Mike Zeck, donc dans Marvel Classics. Du côté des intégrales, on va retrouver l'année 74 d'Avengers et 72 pour Captain America, et on retrouvera un album Marvel Anthologie avec Je suis Captain America. Voilà. Donc, qui dit film dit maintenant une anthologie sur le personnage. C'est ça. Panini a trouvé la bonne stratégie pour exploiter le ciné. C'est ça. Pas con. En même temps, Urban fait pareil. On va avoir Wonder Woman anthologie au mois de mars. Oui. Sitôt? Donc... la Batman et la oui, au mois de mars. Bah, le donc mois de la sortie. 2017. Ah hein. Oh, non, ça fait... Non, non, comme elle apparaît déjà. Ah bah oui, oui, elle apparaît déjà. Oui, oui, puis ça fait 3 ans qu'ils sont lancés, ils ont toujours pas fait une anthologie sur Wonder Woman, qui est quand même la troisième de la trinité d'ici. Bah ouais. Bah, il était grand. Quand même ça, Superman, mais... Batman, donc Wonder Woman. Flash l'a eu avant, quoi. Bon. Bah, j'aime Flash et je suis ravi, hein, mais voilà, quoi. C'est comme une Joker anthologie avant Wonder Woman, ça marche. Donc là, voilà, ça sera réparé. Et ben, on va rester du côté d'Urban, tiens, qui a annoncé la semaine dernière, ce qui est quand même une surprise. Moi, j'étais hyper surpris déjà quand ça a été annoncé, mais suite à ce dont on parlera tout à l'heure en VO, c'est encore plus surprenant. Mais bon, les pauvres, je suis pas sûr qu'ils étaient vraiment ce qui allait leur arriver. Ah ouais, donc, ça, c'est Urban Comics arrête sa gamme kiosque au mois de février et va redémarrer toutes ses revues au numéro 1 en mars. Donc, reboot de la gamme kiosque Urban Comics. Donc, bah, on va dire au revoir à Batman Saga, à Justice League Saga, à Superman Saga et à Green Lantern Saga, qui vont s'arrêter. Et dès le 4 mars, on va avoir 3 nouveaux magazines. Batman Univers, donc qui va contenir Batman, Detective Comics, Robin, Son of Batman, Batgirl et Grayson, donc les 5 séries qui seront au menu. Donc on peut déjà noter qu'on n'aura pas We Are Robin. Ah, oui, c'est vrai. Voilà, c'est une des premières choses qu'on peut noter. Donc peut-être qu'ils vont la garder pour la librairie. Ouais, je pense, ouais. On aura également Superman Univers, donc qui contiendra Superman, Action Comics, Batman Superman, Superman Wonder Woman et la petite surprise Bizarro. Ah ouais. Donc la mini série qui est très sympa, hein, qui a plutôt bonne presse et tout, donc ouais. Voilà, elle va avoir sa place dans Superman Univers. Mais alors à mon sens, c'est une mini série en 6, donc du coup, il faudra bien trouver un remplaçant après. Mais bon, on va avoir Superman American Alien, Lois et Clark, donc il y aura pas mal de séries pour venir prendre la place derrière. Et puis le troisième max, c'est Justice League Univers, donc il contiendra Justice League of America, Flash, Green Arrow et Wonder Woman. Un melting point. Donc évidemment, on a les deux grosses séries Justice League. Et puis derrière, trois personnages quand même importants avec Flash, Green Arrow et Wonder Woman. Voilà, très clairement, c'est ciné-télé, quoi. Le premier truc qu'on peut remarquer, c'est que bye bye Green Lantern en kiosque. Bah, ils vont le sortir. C'est terminé. En même temps, il y a... Non, mais c'est terminé. Avant, il y avait Green Lantern Saga qui était trimestriel, mais là, il n'y a aucun magazine Green Lantern Univers qui a été annoncé pour ce reboot. Donc, 3 mags, plus un hors-série chaque mois, donc qui sera soit un Batman Univers série hors-série, soit un Superman Univers hors-série, ou un Justice League Univers hors-série. Pour le 1er mars, ce sera Superman Univers hors-série numéro 1, avec Dark Knight Over Metropolis, donc une vieille histoire de John Byrne, Roger Stern et Arthur Adams, qui sortira le 18 mars. Voilà. Ça peut être bien pour lire d'anciennes séries un peu introuvables de nos jours. Bah, c'est ce qui marche plutôt bien, les Justice League hors saga, là, qu'ils avaient, le Justice League saga hors série plutôt qu'ils avaient fait, avait plutôt bien marché avec des arcs complets de choses un peu anciennes. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc, il y en aura une par mois, du coup, hors série. C'est bien, ça. C'est plutôt pas mal. Le prix 5,60, le prix reste le donc, même. Voilà. Et il faut savoir que les premiers numéros seront des numéros énormes. Ah ouais? Puisque ce sera des numéros 1, donc ils sont souvent un peu étendus, les numéros 1 en single. Et puis en plus des épisodes numéro 1, ils vont ajouter les sneak peeks de 8 pages ah ouais là, qui avaient été donnés en gratuit dans Convergence. Là. Il y avait eu des petits sneak peeks de 8 pages pour présenter les séries justement. Donc toutes les séries qui vont être dans le mag auront droit à leur sneak peek de 8 pages. Donc du coup, on va se taper des numéros 1 de 160 pages pour 105,60€. Ouais, donc voilà, bel effort financier d'Urban Comics pour ça. Donc voilà. Le problème arrivera plus tard. C'est ça. On va arrêter du coup pour les news VF. On va passer à la suite. La suite, c'est quoi? C'est un comics VF de la semaine par Clément. Et tu vas nous parler, Clément, de Mad Love. De Mad Love, donc, que j'ai lu grâce à Mathieu, parce que c'est lui qui m'a conseillé ce titre. Et donc, Mad Love, en gros, c'est quoi? Bah, c'est ni plus ni moins que les origines d'Harley Quinn, de la Harley Quinn version série télé. Donc, c'est un comics qui est sorti, là, je crois, au mois de décembre. Ouais, chez Urban en décembre, ouais. Chez Urban en décembre. Et donc, voilà, c'est scénarisé par Bruce Timm, au dessin Paul Timm, je dis pas de bêtises, hein, j'en doute. Oui, c'est ça? Ouais, de Paul Timm. Et donc, bah voilà, on voit, c'est vraiment les dessins comme dans la série, c'est les personnages de la série télé. Bah, tu relis quand j'ai relu le bouquin, je suis retombé en enfance, c'est exactement l'ambiance de la série. On voit la relation complètement farge entre Harley Quinn et le Joker. Je vais pas m'étendre plus que ça sur l'histoire parce que c'est vraiment, je pense que c'est à découvrir parce qu'il y a des moments marrants et puis c'est très court en fait. C'est très court parce que là, en fait, c'est la grande force, on va dire, de ce Batman McLeod, c'est qu'on a donc l'histoire principale, donc qui doit faire quoi, une soixantaine de pages À peu près, ouais. à peu près. Petite Et en 50. fait, donc je disais, la grande force, c'est qu'on a une soixantaine de pages et on a énormément de suppléments avec. Donc on a tout cette histoire en noir et blanc, je sais plus comment on appelle ça, enfin plus en crayonné, Voilà. avec des formes d'annotation des auteurs. Donc on voit durant toutes les pages supplémentaires, d'abord noir et blanc et après la colorisation, comment ils ont réfléchi au personnage, à l'histoire, comment ils ont réfléchi aux couleurs. Et on voit par exemple, c'est plutôt intéressant, on voit qu'il y a eu que Bruce Timm donnait ses indications par exemple sur la couleur de la lèvre du Joker, là où il va avoir par exemple un peu de teint rouge, d'autres pas, et c'était plutôt intéressant. Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu un vrai travail de recherche, plus je crois deux petites histoires supplémentaires. Il me semble qu'on a deux, ouais. Ouais, il me semble qu'il y en a deux, donc c'est très sympa. C'est franchement, si on a aimé la série télé, c'est génial, quoi, parce que c'est vraiment les origines d'Harley Quinn. On voit la première rencontre avec le Joker, et bah franchement, c'est à lire, quoi, parce que pour le prix du bouquin, en termes de bonus et tout ça, c'est vraiment rapport qualité-prix. C'est comme toujours chez Urban, c'est vraiment excellent. Je trouve que c'est l'une des meilleures sorties que j'ai eues en VF depuis un bon moment. Ouais, donc bah, je te rejoins évidemment là-dessus, hein. Alors certes, il y en a qui vont dire on a lu deux fois la même chose, mais en même temps, avoir l'histoire telle Ouais. qu'elle a été sortie et traduite en VF, et juste après avoir les scans des planches originales avec toutes les Ça. annotations dont tu as parlé, c'est quand même une chance qu'on n'a pas souvent en France, Ah et non, ça c'est c'est clair. vraiment, ça fera un beau bouquin. Moi, la dernière fois que j'ai connu un truc comme ça, c'est-à-dire avoir le comics de base et avoir les planches crayonnées et tout qui sont pas colorisées, ça devait être, j'avais dû, ça devait être, je crois, soit pour le Superman Unchained numéro 1 ou le Batman Year Zero numéro 1, mais qui était sorti à part. Donc il a fallu bien casquer parce que c'est une édition collector super chère, alors que là, c'est vraiment, enfin, le prix n'est pas impacté, quoi. C'est Non, voilà. vraiment tout est Et là, puis, et belle franchement, chapeau. couverture. Ah Belle ouais, couverture. la couverture est magnifique. Voilà donc pour le comics de la semaine en VF, c'est Mad Love chez Urban Comics qui est sorti donc au mois de décembre. Allez, on va passer au ciné maintenant. Et au ciné, et ben, on va commencer avec Marvel et c'est Black Panther qui ouvre la marche. Irish. Oui, donc Marvel a officiellement dévoilé le nom du réalisateur pour Black Panther, qui est prévu pour 2017. Et il s'agit de Ryan Coogler, qui est actuellement à l'affiche avec Creed, une sorte de spin-off sur Rocky. Et il a également fait Fruitvale Station il y a quelques années. Donc à rappeler qu'on découvrira pour la première fois Black Panther dans Captain America Civil War qui devrait sortir au mois d'avril. Plutôt excitant tout ça. Bah ouais, voilà, le film, ça y est, bien lancé. C'est un des trucs, enfin découvrir voilà, Chadwick Boseman dans le costume dans Civil War, c'est un des rares trucs qui me motive à voir Civil War en ce moment. Donc... Tu peux Pareil. pas dire ça. Ah bah Non, si, vous n'êtes c'est pas sérieux. si. J'ai de moins en moins envie de le J'ai été voir. un peu refroidi par les trailers, c'est pour ça. Ah, moi aussi, Oui, on non, mais a il n'y a bien. eu qu'un seul trailer, d'ailleurs, je me rappelle, c'est Oui, mais ça. bon. Oui, bah Ouais, malheureusement. mais bon, franchement, enfin, moi, j'ai en fait, ce qui se passe dans le comics, c'est super épique. Et quand je vois, là, il y a vu la bande-annonce, enfin, dans le contexte où il va y avoir l'affrontement, j'ai un peu peur du complet terminé, On va voir, on va voir. quoi. Mais pour moi, c'est le film comique que j'attends cette année. Oh non, Non, moi, Batman c'est vs Ah si, Superman, non. tu as Ah le non, droit. non, c'est Civil Suicide War. Squad. Ah, Mais pour Suicide le. Squad, Ah, mais cette on année, en je parlera. suis team DC. Eh ben, vous On savez quoi? parlera On va plus tard. garder cette petite question en suspens et ce sera la question de la semaine pour la semaine prochaine. On va laisser les gens voter sur le site et puis on répondra nous-mêmes dans une semaine. Voilà. C'est une question intéressante. Tiens, quel est le film qu'on attend le plus? Je n'y avais même pas pensé. Une autre chose, tiens, qui motive à voir Civil War, bah, la deuxième en fait, c'est Ah bah Spider-Man. oui. Et ouais. Et encore plus ensuite de voir son deuxième reboot en coproduction avec Sony et Marvel Studios. Et le film, justement, on pourra le voir plus tôt. Enfin, c'est dans quand même encore très longtemps. Mais il a été avancé de quelques semaines. Et donc, le film sortira aux États-Unis, non pas le 28 juillet 2017, mais le 7 juillet 2017. Ouh, Donc, putain. quelques semaines en moins à attendre. Voilà, 3 semaines d'attente. Vous l'aurez avant de partir en vacances. Ah oui. Parce qu'a priori, avec les sorties françaises un petit peu anticipées, on devrait l'avoir ouais, tout début juillet, quoi. On devrait avoir le 5. Hein. Mais c'est pas l'animé, c'est le non, film. Non, le vrai film. Non, l'animé, c'est au mois de décembre. Ouais. Ah. Le vrai film ah avec ouais. Tom Holland. Ça, ah, je suis vachement surpris, je pensais que c'était pour 2018. Ah non. Ah non. Ah. C'est l'année prochaine. Bah, c'est encore mieux. Ok. Voilà. Bon, on aura déjà un petit aperçu en avril. Ouais. Bah oui. J'espère hein, que ça va bien se passer parce que. On verra bien. Hein. Voilà quoi. Bref, allez, on va passer. Et on va passer à quoi? On va passer à Deadpool. Ou Deadpool, c'est, bah, c'est le prochain qui arrive. Hein, c'est le premier film de l'année. Qui a été projeté à des gens qui ne savaient pas qu'ils allaient voir le film. C'est plutôt cool. À Los Angeles et à New York, je crois, des personnes qui avaient été choisies pour voir, soi-disant, les premières minutes. Et en fait, on leur a montré tout le film. Qui, a priori, ont sorti des très bons retours. Mais bon, vu la surprise qu'ils ont eue, voilà, je suis peut-être un peu influencé. Donc, on va vraiment attendre de voir le film. En tout cas, ce qui a pu ressortir de ça, c'est qu'il y a une scène post-générique à la fin du film Deadpool. Donc, bah, restez assis, quoi. Ouais, je me demande bien ce que ça va être, quoi. Parce que ça peut être très bien, genre, ça va être bien barré. Bah, ça va être un truc où il va briser le quatrième mur, ah, et oui, parler, oui, genre, oui. Vous avez aimé le film, vous avez intérêt à avoir aimé le film, ou un truc du genre. Ouais, oui, ou alors on peut le voir en train de regarder un trailer d'X-Men Apocalypse, ou... Ah, ah oui, ça, j'allais dire. Ah, ça c'est peut être ce pas mal, dire. C'est ce que j'allais dire. Ou alors carrément d'annoncer qu'il revient, quoi, et puis de donner la date de son film, enfin voilà, des trucs... Oui, c'est sûr que ce sera un truc où il va briser le quatrième mur. Voilà, donc scène post-générique, donc bah faites pas comme pour tous les Marvel Studios, restez cette fois. C'est dingue, après 8 ans après, les gens restent, enfin se barrent toujours au début du générique, je comprends pas. Je comprends pas. Bah ça dépend, hein. Ceux qui ont été traînés par je sais pas, par leur habit ou je sais pas, généralement ils s'en vont, mais il y en a de plus en plus. Quand je regarde les films Marvel, à la fin on est toujours des fois 4, 5, 6. Ouais, mais ces gens qui se barrent au début du générique, après ils sont toujours surpris qu'il y ait une scène post-générique. À chaque fois, ils sont surpris alors qu'on l'annonce à chaque film. Ça fait plus de 8 ans, quoi, maintenant. Enfin, oui. Ça fait 8 ans, quoi. C'était 2008, le premier. Donc. Mais voilà. Moi, il y a toujours 4, 5, 6 qui savent, qui restent assis comme... C'est pas beaucoup. Comme si... Mais 6 sur une salle, t'imagines? Ouais, c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Bref. Gambit, Clément. Le film de l'année. Ouais, le film de l'année, le film. Parce qu'on rappelle qu'il arrive en 2005, en 2016, celui-là, quand même. S'il arrive. Alors, le film arrive en 2016, et il n'est pas commencé à tourner. C'est ça qui est grave. C'est ça qui est hallucinant. Wow. Bah, le début de tournage a été annoncé pour mars 2016. Le film est sorti, censé sortir là dans même pas un an. En octobre ou novembre? En novembre, je crois. Je me demande vraiment comment ils vont faire. Alors, toi, ça va surtout qu'ils ont... Ils ont le tournage au départ, c'était novembre 2015. Mais ouais, donc déjà, un an avant la sortie. Et là, 10 mois ouais. Avant, ils espèrent boucler le film en 10 mois. Mais ils vont le torcher, c'est pas. C'est possible, ça bah, donc, ouais, c'est compliqué. Bah, c'est voire impossible. Bah, on va avoir droit à un nouveau Fantastic Four. Encore, il a mis plus de temps à tourner. Oui, mais ça a été chaotique en post-production. Ou alors, ils vont reculer la date, quoi. Bah, là, je vois pas comment ils pourraient faire autrement. Enfin bon, à suivre. Enfin. Allez, on va laisser Marvel de côté, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de côté de chez DC, parce qu'il paraît qu'ils vont aussi faire des films. Il paraît. On en a pas mal parlé cette semaine, notamment avec le Dawn of Justice League sur la CW. Et puis pour le film Wonder Woman, c'est pas la Reine des Neiges qui a été castée, mais c'est une autre. On a eu la Reine des Amazones, Hippolyta, qui il y a quelques mois ou quelques semaines avait été annoncée, on avait annoncé Nicole Kidman dans le rôle. Bien sûr, comme toujours, cette rumeur s'est avérée fausse. Et on a eu la Danoise Connie Nielsen, qui a joué dans Gladiator. Elle jouait déjà une reine dans Gladiator. Et donc là, elle sera dans Wonder Woman en juin 2017, dans le rôle de la reine des Amazones et mère de Wonder Woman, mère de Diana. Voilà. Et en plus, on a eu les premières images du film, justement, dans le Dawn of Justice de la CW. Ouais, des images encore pas. On voit bien qu'il y a encore du travail à faire. Oui, dessus, elles sont pas étalonnées et compagnie. Très brut, mais bon, voilà, on a la confirmation des scènes dans le passé. Ça a l'air pas mal. C'est un film très équestre. Bah, c'est quand même qui va un peu vite à déjà juger. Oui, voilà. En tout cas, ça vous a pas refroidi déjà. Ça fait plaisir de l'avoir. Oui, voilà. D'avoir des trucs horribles. Utiliser son bouclier et d'avoir l'air assez badass malgré sa carrure assez. Oui, elle a pu avoir une conne avec son bouclier alors qu'au final. C'est déjà pas mal. Qui j'aurais bien aimé voir dans le rôle de la reine des Amazones, c'est Lena Headey de Oh Game non, of c'est Thrones. bon. Oh non. Ah, elle est tellement habituée à ce genre de Alors moi, rôle je voudrais qu'on mette une règle. C'est qu'un acteur de Game of Thrones, on le C'est voit pas ça. ailleurs. C'est ça. C'est bon, quoi. Avec toi. On nous saoule assez avec cette série pour qu'en plus on se tape les acteurs à côté. Non, c'est bon. Peter Dinklage compris, tous, hein, j'en veux pas. Enfin, voilà, c'est bon. T'as dit quoi, Pinter? Peter. Peter. J'ai compris Peter Dinklage. Pinter. Voilà. Parce que Il aurait fait finalement, un gros pas, quoi. finalement, dans Days of Future Past, on a presque parlé plus de lui que du film. C'est Yeah. pas pour te déplaire, ça. Ce qui a bien arrangé le film, d'ailleurs. Ça, on est d'accord là-dessus. L'arbre qui cache la forêt. Un petit arbre, certes, mais un arbre. Allez, avant de déraper, on va continuer. Suicide Squad, Irish. Oui, donc le second trailer qui a été dévoilé la semaine dernière, donc un trailer explosif, vachement pop, coloré. Je vais peut-être vous surprendre, mais Tu l'as pas aimé. je ne dirais pas que je n'ai pas aimé, mais ça m'a pas excité autant que ça. Il y a beaucoup, tout ce qu'on voit, c'est plein plein d'explosions et au final, ça me met pas. Ça ne m'excite pas autant que ça. J'ai vu plein d'explosions, mais c'est tout ce Ça que j'ai m'a vu. déjà beaucoup plus excité que le dernier trailer de Batman vs Superman. Enfin, c'est beaucoup Oui, mieux. ça c'était autre chose. C'est la Mais vérité. je sais pas si Mathieu, toi, ça t'a vraiment Moi, j'ai enthousiasmé regardé deux encore fois. La plus. première fois, j'en ai mis partout, comme je vous ai dit. C'était extraordinaire. La deuxième fois, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, putain, on a deux trailers pour le même film et t'as l'impression qu'ils parlent pas du même film. Pas faux. Donc c'est un peu emmerdant. Et puis derrière, sous des côtés hyper musique, hyper entraînant, hyper rythmé, même les explosions qui rythment les percussions de Bohemian Rhapsody et compagnie. Enfin, il est extrêmement bien monté, il est super Ouais, efficace de ça c'est sûr. ce trailer, etc. Mais en y réfléchissant un peu, voilà, il y a plein de choses qui me gênent. Voilà, et du coup, j'étais beaucoup moins emballé la deuxième fois, donc je vais arrêter de le regarder. Ouais. Bah, moi, comme je te dis, ça m'a rien fait. Je dis, ah bah tiens, ça risque, ce sera sympa. On va voir ce que ça va donner. Mais tu sais, Et non, par ça va être exemple, brillant. genre c'est con, hein, mais j'aurais bien aimé voir Will Smith avec son masque plutôt que toujours démasquer et faire ce qu'on a toujours vu faire, quoi. Après, il y a un On peut avantage, le c'est garder que aussi pour plus tard. il y a un avantage, c'est que Faut oublier voilà, que le film sort dans 6 mois, voire même plus. il y a aucune intrigue du scénario qui a été dévoilée, donc on Parce sait. que le film sort dans 8 mois. Oui. Ça, à la Oui. rigueur, ça me gêne pas, hein, qu'on me raconte pas l'histoire dans le Non. trailer. Ah non, mais non, ça c'est Regarde pas. Deadpool, tu connais pas l'histoire non plus. Bon, là, c'est plus grave parce que le film sort dans 15 jours. Deadpool, tu connais pas l'histoire, on en reparlera après. Ah, si, quand même, Deadpool, tu sais un peu de quoi il Mais le s'agit, trailer, mais. quand même, il est assez explicite, je trouve. Le méchant, enfin, Bah, franchement. Deadpool, par exemple, le trailer de Deadpool, là, par contre, j'en ai mis partout. Hein. Ça, je vous le Ah, mets, quand je c'est vais fou. regarder. C'est toujours pareil. Bon, allez, on verra. De toute façon, c'est que des trailers. Ouais. Si on devait juger On va passer aux comics le VO. film, un trailer. Ah oui, non, mais merde, j'avais les 4 fantastiques. Pardon. Ah, les 4 fantastiques, le trailer, on nous avait Il dit, était ah pas putain, dégueulasse. Le deuxième était pas mal, hein. Ouais, le deuxième Et était pas peut-être on mal. avait une bonne surprise. Oui, Donc mais le voilà. problème c'est qu'ils ont pas mis, les images du deuxième trailer dans le film. Mais en fait, on a eu tout le film dans le trailer. Bah non, puisqu'on avait certains trucs qui Sauf n'apparaissaient les pas. plans qu'ils ont On a choqués. même eu plus que le film, ouais. C'est Bref, ça. allez. Les comics VO maintenant. Allez, on commence avec Marvel. Marvel qui a tapé fort la semaine dernière, là. Décidément, ils ont annoncé trois choses et bim, ça pose le cadre d'entrée. Civil War 2 arrive. Et Civil War 2 arrive au mois de juin. Ils ont dévoilé l'intrigue. Rapidement, c'est quoi? Un nouveau personnage à faire son apparition dans l'univers Marvel, un peu Deus Ex Machina. Un personnage qui est capable, non pas de prédire l'avenir, comme j'ai pu l'entendre pas mal de fois. C'est pas ce qui est dit dans l'article. Ce qui est dit, c'est qu'il est capable de calculer avec une grande précision les conséquences des événements pour annoncer l'avenir. Ce qui est quand même pas pareil. C'est C'est sûr. pas un médium qui a des flashs, quoi. Voilà, on parle de calcul et de grande précision. Donc, c'est plutôt une espèce de super ordinateur qu'il y a dans le cerveau, je sais pas quoi, enfin bref, un inhumain sans doute, qui va donc prédire la mort d'un des héros Marvel, tué par un autre héros Marvel. Ouh. Deux camps vont s'opposer, puisque c'est une Civil War. D'un côté, Captain Marvel, qui va être de ceux qui pensent qu'il va falloir arrêter les criminels avant qu'ils commettent leurs méfaits, à partir du moment où ce fameux personnage va prévoir ce qu'ils vont faire. Et puis de l'autre, Iron Man, qui est plus modéré, et ça c'est une surprise, qui pour lui, on ne peut pas punir quelqu'un tant que le méfait n'a pas été commis. Donc on va avoir à la fois cette opposition d'idées, et puis bah, le fait de savoir qui va être tué, de la main de qui. Puisque ça, évidemment, ça n'a pas été révélé et j'espère que ça restera secret. C'est Steven Spielberg qui a écrit. On n'avait pas déjà parlé tout ça? C'est Minority Report. Ouais. T'en avais pas parlé la dernière fois de l'intrigue? Non, bah non, c'est tombé après. Je suis sûr qu'on en avait discuté. Non, c'est tombé après. Et ce qui a été annoncé également, c'est que le premier numéro de Civil War 2 sera offert au frais Comic Book Day en mai, donc. Ah bon? Donc, c'est... Ouais. C'est cool, ça. Donc, si vous voulez tester, si vous voulez juste voir à quoi ça peut ressembler, alors certes, ce sera peut-être qu'un prologue qui dévoilera pas grand-chose ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça aura le mérite de commencer gratuitement. C'est assez rare chez Marvel pour être souligné. C'est sûr. Oui, c'est pas faux. Autre chose qu'on a appris du côté de chez Marvel, c'est que Steve Rogers, qui n'était plus Captain America, ben va reprendre le bouclier. Bizarre, il y a un film qui arrive. Rogers avait vieilli parce que le sérum ne fonctionnait plus sur lui. Enfin, on avait vu ça dans le Marvel Now, etc. Donc, on avait un Steve Rogers vieux qui avait raccroché et passé le flambeau à Sam Wilson. Et ben, Steve Rogers va redevenir Captain America, mais Sam Wilson va le rester. Ah, il va avoir deux Captain America. On aura a priori deux Captains. Sam Wilson, Captain America, et Steve Rogers, Captain America. Et ça va se voir déjà visuellement, parce que Steve Rogers va avoir droit à un nouveau costume. Oh. Et surtout un nouveau bouclier. Il va reprendre son bouclier à la forme un peu triangulaire qu'il avait au tout départ. Donc on aura Wilson qui aura le bouclier rond qu'on connaît, voilà, et puis Steve Rogers qui aura le bouclier un peu iconique. Donc pourquoi pas. Scénario Nick Spencer, donc plutôt rassurant, et Rezo Saiz au dessin. Oui, ça devrait arriver dans l'été, normalement au mois de juin, je crois. Voilà, et puis la dernière chose annoncée par Marvel, c'est une nouvelle série ongoing Star Wars. Il n'y en avait que deux jusque-là, c'était Star Wars et Darth Vader. Et bien, il y en aura une troisième série régulière sur Poe Dameron. Donc ce sera la première série liée au nouvel univers, enfin après l'épisode 6 en tout cas. Donc ça se passera quelques années. Ça se passera quelques années avant l'épisode 7, et donc on va savoir comment Poe est devenu le pilote, le meilleur pilote de la rébellion. Intéressant. Et alors, au scénario, on aura Charles Soule, je crois. Ce qui est quand même. Ben, je vérifie quand même. Charles Soule au scénario, c'est bien ça, donc qui est quand même pas le dernier des scénaristes. Et Finotto au dessin. Les deux ont déjà travaillé dans l'univers Star Wars chez Marvel, donc ça peut donner quelque chose de bien. Voilà pour Marvel. Et chez DC, alors, Clément? Chez DC, ça a pas mal bougé hein, cette semaine. Pour ce qui est de la Free Comic Book Day, DC a annoncé le contenu. Donc ça va être une réimpression du Suicide Squad de 2011, donc le numéro 1. Donc c'est hyper bizarre. On sent pas du tout qu'il y a un film Suicide Squad qui va arriver dans pas si longtemps. Mm-hmm. Et également un preview du graphic novel DC Super Hero Final Crisis. Voilà. Ouais, donc, DC Super Hero Girls, donc le petit truc feu avec les personnages féminins là, qui a commencé sur YouTube. Voilà. Donc, qui est écrit par Adam Glass et illustré par Matt O'Reilly. Voilà. Mais le plus, on va dire comment, le plus intéressant, le plus drôle et à la fois le truc qui énerve bien, il y avait une autre petite rumeur là qui persistait depuis un certain temps. DC a confirmé la rumeur. Ah, ils n'ont pas confirmé, ils ont mis une photo. Ils ont mis une photo, mais qui confirme. Et ben, on va avoir le droit à un nouveau relaunch de DC Comics à partir de juin. Même plus qu'un relaunch, plutôt un reboot. Donc a priori, à partir de juin, la photo d'abord diffusée par Jim Lee, puis relayée par Geoff Jones, Dan DiDio et DC et compagnie, voilà, c'est un rideau bleu avec marqué Rebirth dessus. Donc voilà, DC Rebirth, donc on va avoir le droit encore à une renumérotation, encore à des changements d'équipe. Bah, encore oui et non, parce que ça fait quand même 5 oui, ans. Non, mais... Ouais, mais enfin, encore... Parce que pour moi, dans ma tête, DCU, ça a amorcé un peu quelque chose. Et ils ont fait une erreur de com avec DCU, parce que DCU, c'était juste une vague, hein, comme qu'on avait eu pour qui est arrivé à l'époque. Et voilà. Mais, bon, après, clairement, là, c'est ce qui va leur permettre de passer certains titres, notamment en bimensuel, donc on pense à Batman. Mais ils se la jouent à la Marvel, en fait. Mais ça, quand même, franchement, ça commence à être quand même gonflant, parce que t'as clairement plus quoi faire pour innover. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en tant que lecteur. J'ai l'impression que ça soit DC Comics ou Marvel, se foutent un peu de la gueule du monde et n'arrivent même plus à innover J'ai l'impression qu'ils prennent vraiment les lecteurs pour des grosses vaches à lait. Donc là, le DC Rebirth va s'accompagner d'une dimensionnalisation de certains titres, notamment des titres majeurs, visiblement, notamment c'était Flash, non pas Flash, Batman, Justice League, enfin voilà les trucs. Voilà, tous les trucs, on sait pertinemment qu'une majorité des lecteurs lisent. Donc si ça, c'est pas pour ramasser un peu plus de thunes, je ne sais pas quoi, entre les augmentations de titres, voilà, et plus les changements des créatifs. Donc bon, ok, il y a des titres qui sont en place depuis les mieux. On en reviendra, donc ça, à la rigueur, ça me choque moins. Par contre, voilà, c'est des équipes qui sont en place depuis si longtemps, ça permet pas une certaine continuité, une certaine stabilité dans le travail qui est fait sur certains titres, et c'est dommageable à la qualité. Donc franchement, ça commence à être un peu chiant, quoi. Si on va au bout de la rumeur concernant Rebirth, alors moi je suis moins opposé à toi que Rebirth, toi t'as l'air vraiment franchement ça. Moi ça me gonfle qui refont encore les titres à zéro, etc., ça bouge encore, franchement, moi ça me fait penser qu'ils ont aucune stratégie derrière, quoi, qu'ils font parce que les concurrents de Marvel l'ont fait et qu'ils ont besoin de faire ça pour attirer des nouveaux lecteurs, quoi. C'est comme ça que je le ressens. Moi, ça me gonfle. En même temps, ils ont besoin de nouveaux lecteurs. Oui, ils en ont besoin cruellement. Oui, non, mais je comprends aussi parce que c'est vrai qu'ils se prennent vraiment très très cher au niveau des ventes par Marvel. Mais est-ce que après, ça va aller. Parce que je veux bien, moi, qu'ils repassent un reboot, un relaunch, ça dépend comment longtemps, pour espérer avoir de nouvelles ventes. Mais il faut que la qualité suive derrière, quoi. Si la qualité n'est pas derrière, voilà, alors, pour le moment, rien de confirmé du côté de DC, mais si on va plus loin dans ce qui était en rumeur, notamment sur Bleeding Cool, qui a l'air plutôt d'avoir vu juste jusque-là, c'est que l'univers, donc effectivement de la bimensualisation de certains titres, tu l'as dit, et puis l'univers qui se recentrerait notamment autour des grandes franchises à succès ciné et télé. Donc on aurait un univers DC qui serait très tourné autour de Batman, Superman, Wonder Woman, la Trinité, la Suicide Squad, Arrow, enfin Green Arrow, Flash, voilà les choses qui marchent aussi à la télé et qui seraient plutôt mis en avant. Voilà. C'est encore de la rumeur, on attend des confirmations. Pour le mois de juin, de toute façon, au plus tard, dans un mois, un mois et demi, on est au courant puisqu'on aura les sollicitations. Ouais. Mais là où je parlais en tant qu'équipe créative, là il y a une rumeur qui est de plus en plus insistante, mais à prendre, je pense, avec quand même des pincettes. C'était annoncé au niveau du titre Batman. Donc, si on se focalise juste sur le titre Batman, ça serait quand même une révolution parce que l'équipe n'a pas bougé, hormis sur quelques mois où Capullo ou Snyder avaient besoin de faire une pause. Donc, Scott Snyder quitterait le titre Batman, mais pour Detective Comics. Justement, parce que la rumeur veut que du fait de cette dimensionnalisation, visiblement, Scott Snyder n'aurait pas envie d'assurer cette dimensionnalisation, mais il restera sur Detective Comics. Donc, si c'est effectivement le cas qu'il reste sur Detective Comics et que Capullo se barre je ne sais où, ce qui va être intéressant de voir, c'est vu que Snyder va être encore derrière un titre Batman, est-ce que finalement ça va être le Detective Comics qui va guider l'ensemble de la franchise Batman? Non, je pense pas. Je pense pas non plus, mais parce que bon, enfin, on commence à connaître le père Snyder depuis 4-5 ans. Le mec a un ego quand même bien surdimensionné. Et c'est lui qui tient la baraque de Batman. Est-ce que si il quitte Batman, est-ce que ça va permettre un peu plus de, comment dire, j'arrive pas à trouver le terme. Un peu moins d'emprise sur le personnage, ou est-ce qu'au contraire il va atterrir sur Détective et il va faire comme il fait avec son Batman, créer son Batman et un peu dicter sa loi aux autres. Non, il va faire son truc dans son coin, il va pouvoir faire toutes ses sauces, toute sa soupe dans son coin sans que ça ait d'impact sur le reste, et voilà. Et c'est très bien qu'on entende plus parler. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Je crois que c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Il voulait retourner à des trucs un peu plus. Je crois qu'il y aurait moins d'impact. C'est pour ça qu'il voudrait se tourner vers Detective Comics. Maintenant, on va attendre qui va le remplacer et puis on verra. On va attendre les annonces. On va attendre, mais là, je me dis, au vu de. Bon, je suis pas à jour dans Batman, mais au vu de ce qu'il fait, voilà. 5-6 ans, 5 ans, si on compte après avec effectivement l'avant New 52. 5 ans, ça fait déjà pas mal. Mais voilà, il va être bientôt à 50, plus 6 ou enfin, je sais plus combien. C'est quand même énorme. Quoi. Il va arriver à 60 numéros sur Batman à la suite, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. On retiendra, même si ça a été polémique et tout ça, ça restera un run qui est. Enfin, je sais pas si on peut le qualifier d'anthologie, mais c'est un run qui restera dans l'histoire de Batman, quoi qu'on en dise. Et ça sera déjà pas mal. Allez, on va boucler Oui. cette partie VO avec celui que moi j'ai choisi comme comics VO de la semaine, qui est sorti il y a quelques semaines déjà, mais c'est encore trouvable. Hein. Ça doit être de décembre, je crois. C'est Snowblind numéro 1 chez Boom Studio par Holly Masters et Tyler Jenkins. Numéro 1 sur 4, c'est une mini-série en 4 épisodes, donc ça va être rapidement terminé, donc peut-être attendez le TP maintenant, plutôt que de chercher à rechoper le single qui est sûrement épuisé. Snowblind, c'est un vrai gros coup de cœur. Je m'attendais pas à être attrapé par ça. Je l'avais pris par curiosité et puis en fait, c'est incroyable. En gros, vous avez un. Je vais vous résumer rapidement le début de l'histoire. C'est un jeune garçon qui est ramené par la police chez ses parents parce qu'il a été. Il est rentré par effraction dans une bibliothèque juste pour lire un soir. Beaucoup auraient besoin. Et donc ouais, donc il est voilà, il comprend pas pourquoi la police lui reproche ça, pourquoi on le ramène, pourquoi ses parents sont hyper choqués parce que ses parents vivent assez mal le fait que la police l'ait ramené à la maison, enfin il comprend pas. Et puis plus tard, il va y avoir une soirée où papa va être un peu alcoolisé et s'endormir voilà dans les sacs poubelles, enfin voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va dessiner, il va mettre du rouge à lèvres à son père, il va le grimer en femme, il va prendre une photo, etc., qui va finir par tomber sur Internet. Et du coup, ça va circuler dans le pays entier et les parents sont encore plus alarmés, vraiment réagissent super mal et lui, il comprend pas pourquoi juste cette photo, etc. Et ce qu'on va découvrir plus tard, c'est que si ces gens sont là, au fin fond de, alors je ne sais plus dans quel état ça se passe, mais c'est vraiment un état très perdu des États-Unis, Wisconsin ou je sais plus lequel, enfin, Alaska, voilà, ils sont en Alaska. Mais s'ils sont au fin fond d'Alaska et s'ils cherchent à éviter d'attirer le regard sur eux, c'est peut-être pas pour rien, et du coup, tout le monde de ce garçon va tomber quand il va découvrir qu'en fait ses parents sont des témoins protégés. Donc voilà, c'est hyper hyper bien foutu. Les dessins sont. Ça va pas plaire à tout le monde, hein. Ça va être un peu comme ceux qu'avait aimé ou Patrillium, hein. Les dessins, c'est un peu le même genre. Et puis voilà, c'est un truc qui est travaillé jusqu'au bout, même dans le papier. C'est-à-dire que le papier, il est vraiment particulier. C'est pas un papier lisse, brillant, comme on a d'habitude. C'est un papier qu'ils ont dû passer je ne sais pas combien de temps à trouver, parce que même au niveau de la sensation, quand on a le bouquin dans les mains, ben ça contribue à plonger dans l'ambiance. Et voilà, moi j'ai adoré. Donc à suivre avec les numéros 2, 3 et 4 si ça se confirme, mais on a peut-être là déjà un des gros titres de 2016. Et bien voilà qui conclut cette émission. Nos prochains rendez-vous sur nos écrans 38 jeudi avec le bilan à mi-saison de Supergirl pour la mi-saison, la première bilan mi-saison. Et puis on fera le bilan à mi-saison 2 cette fois-ci de iZombie et ce sera pour dimanche. Super, sur nos écrans numéro 39. D'ici là, bonne lecture évidemment et à bientôt. Salut. Salut. Salut.